www.leclubdesnonmembres.com. Allô, ici Justine et Marianne. Bienvenue à l'émission Le Club des Non-Membres. À tout de suite! Bonjour! Ici, moi, votre nouvelle animatrice, Jean-Francine! Hein? C'est une blague, c'est moi, Marianne. Ah, et ici Justine. Et bienvenue à l'émission Le Club des Non-Membres. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Très spécial. Avec des invités spéciaux. Très spéciaux. Notre frère, Jérôme. Yeah! Bonjour tout le monde! Yeah! Et notre très chère amie, Élise. Et salut! Yeah! Merci, vous êtes si chaleureux. Merci, merci. Franchement. Ouais, je pense qu'on va passer à la blague numéro 1. La première journée d'école, à Montréal, le directeur prend les présences. Mon kiss mêlée. Bonjour. Et aller rhombus mêlée. Présent. Police et le maire. Présent. Hermes Mubaledo. Présent. Alines Mela. Allô. Ala in ben what? Pas de réponse. Ala in ben what? Toujours pas de réponse. Pour la dernière fois, ala in ben what? Monsieur, je pense que vous êtes en train de parler de moi, sauf que on prononce mon nom Alain Benoît. Fun écologique! Ah ouais! Êtes-vous tanné d'aller au Walmart et toujours acheter des paquets d'eau de 25 bouteilles? Maintenant, vous n'avez plus besoin de faire cela. Achetez une bouteille d'eau réutilisable. Vous pouvez l'apporter à la maison, le boire là, le remettre de l'eau dedans, l'apporter à l'école, et voilà, vous pouvez les réutiliser souvent. C'est très écologique et c'est très facile à réutiliser. Donc, le truc écologique de cette semaine, c'est réutiliser. L'histoire de cette semaine. Boucle d'or et les trois ours. Que nous avons changé? Ah! Boucle bleue et les trois grizzlies. Une fois, dans un pays très très très très très très très très très lointain, comme commencent toutes les histoires, vivait Boucle Bleue. C'était une petite fille très désobéissante. Un jour, elle voulait aller se promener dans la forêt. Mais sa mère, elle, ne voulait pas. Oh! Quoi, maman? Tu veux pas que je m'en va à une forêt? C'est juste une forêt! Ben, d'abord, je m'en va. Ah, mais il pourrait y avoir des ours dans la forêt. Maman, tu sais quoi? Non, je veux pas aller. C'était juste un truc, car elle sortit par la fenêtre de sa chambre et alla dans la forêt. En passant que sa mère racontait n'importe quoi en disant qu'il y avait des ours dans cette forêt. Des grizzlies, elle pensait que ça habitait juste en Afrique. Les grizzlies sont en Afrique. Ah, ici, c'est un après. Elle arriva dans la forêt et vit une maison exactement pareille que la sienne, sauf qu'elle était bleue. Oh, wow, la maison est bleue! Comme ses cheveux. Alors elle décida de rentrer dedans et d'aller voir qu'est-ce que c'était. Parce que ça sentait tellement bon! Et son ventre gargouillait. Oh, j'ai tellement faim! Rendue à la maison, elle vit du bon pâté chinois! Ah, oh, du pâté chinois, mon favori! Il y a même du ketchup! Elle essaya le premier. Ah, celui-là, ben trop chaud! Ben trop épicé! Elle décida donc d'essayer le deuxième bol. Ah, ça goûte comme le miel? Pourquoi ne pas en mettre du miel dans du pâté chinois? Elle hésita de goûter le troisième car les deux premiers étaient complètement dégoûtants. Mais le troisième, ça peut toujours être meilleur. Ah, oh, c'est le troisième. Ah, oh, c'est magnifique! Oh, miam, miam, miam, miam. Elle le mangea tout au complet. Ensuite, elle se sentit un peu fatiguée et elle voulait digérer un peu. Alors, elle décida d'aller dans le salon s'asseoir sur un puff. Oh, wow! Ils ont des puffs! Ah, cool! Je vais essayer le premier. C'est bien trop dur! Ouch! Ça avait l'air comme de la brique. Donc, elle essaya le deuxième. Wow! Je m'avance! Elle hésita une deuxième fois d'essayer le troisième, sauf que puisque le pâté chinois numéro 3 était bien meilleur que les deux autres, elle décida d'essayer le puff numéro 3. Ok, puff numéro 3, me voici. Ah, c'est pas... Oups. J'ai mis un trou! Il y avait des billes partout. Il fallait qu'elle sorte de cette salle en vitesse. Elle alla en haut pour voir si elle pouvait se coucher dans un des lits. Ce qui n'était pas une très bonne idée parce que elle n'était même pas chez elle et elle se couche dans le lit d'une autre personne. Je vais essayer les lits, ok. Oh, celui est super confortable, mon Dieu! Le lit double numéro 1 était vraiment confortable. Mais elle voulait toujours essayer les autres au cas où qu'il y en ait un autre encore plus confortable. Elle essaya donc le lit queen numéro 2. Oh, wow! J'adore les lits queen, alors j'ai essayé celle-là. Oh, magnifique! Après ça, elle décida d'essayer le lit numéro 3, un lit simple, mais qui avait l'air tellement confortable. Oh, c'est comme je m'assois sur un nuage. Oh. Elle décida de mettre les trois lits un à côté de l'autre pour se coucher sur les trois en même temps. Voilà! Finalement, je les ai mis dans la bonne place. Maintenant, de dormir. Elle fit une petite sieste dessus. Ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait trois lits et trois ours. Mais ce n'est qu'un conte, alors tout est vraiment bizarre. Après sa petite sieste, elle avait le goût d'un peu de télévision. Alors, elle décida d'aller dans la salle de télévision pour aller regarder la télé. Ah, voilà une salle de télé. Ah, finalement. Je vais essayer ce poste. Elle alluma la télé et quand elle vit, c'était un poste de madame. Des personnes qui chantaient avec des instruments de musique. Pff, tellement plate. Des personnes vraiment regardent ça, c'est plate. Dieu. Alors elle changea de poste, mais c'était le poste beaucoup trop violent. C'était un film d'horreur. Elle changea de poste à toute vitesse. Et là, c'était Totally Spies, son émission préférée. Woohoo! Totally Spies, il sent cool! Elle regarda cette émission jusqu'à temps que les trois grizzlies étaient en train de revenir de leur petite marche en attendant que les pâtés chinois refroidissent. À manger nos beaux pâtés chinois. Ah, moi aussi. J'ai tellement faim que je pourrais manger un grizzly. Oh non, j'en suis un. Oh, j'ai tellement faim. Ils rentrèrent dans la maison et virent que les pâtés chinois n'étaient pas comme avant. Mon pâté chinois est à moitié mangé. Quelqu'un aussi a mangé mon pâté chinois, pas une partie. Quelqu'un a mangé la mienne aussi. C'est parti! Alors, il allaient avoir leur pof, parce que leur pof était tellement confortable qu'ils voulaient toujours s'asseoir dessus pour le réconforter. Mon pof a été changé de place! Mon pof a été changé de place! Et moi, quelqu'un s'est assis dans mon pof, et maintenant c'est brisé! Heureusement, ils ne roulèrent pas sur toutes les petites billes qu'il y avait par terre, venant du pof. Ils voulaient donc aller se coucher pour faire une petite sieste et voir si ce n'était que tout un rêve. Mon lit a changé de place et quelqu'un a tout dépassé les draps! J'ai touché à mon lit. Si j'attrape ce petit animal, je l'écraserai. Hein? Mon lit a l'air correct. Alors, il ne restait plus que deux salles dans la maison. La salle de bain et la salle de télévision. Il pensait, mais personne ne sera dans la salle de bain. Alors, il alla voir la salle de télé. Quelqu'un a changé mon poste! Quelqu'un regarde ma poste! Quelqu'un est assis dans la chaise. Tout à coup, Boucle Bleue se tourna et elle vit ses Grizzly! Ah! Elle courut hors de la maison et s'enfuit vers chez elle. Tandis que les Grizzly, eux... Je vais écraser cette petite peste! Comment quelqu'un ose rentrer dans la maison de quelqu'un d'autre? Ben, au moins, un bon coup dans des postes. Et ils vécurent tous heureux. Et la petite boucle bleue reste à terroriser pour le reste du temps de sa vie en pensant que les grizzlies allaient venir la manger pendant la nuit, ce qui ne se passa jamais. Car les grizzlies étaient des personnes généreuses. La fin! Et c'est quoi la morale de cette histoire? C'est de ne pas manger du pâté chinois des ours, évidemment. Non, c'est de ne pas s'asseoir sur les puffs des autres personnes. Mais vous comprenez pas c'est quoi une morale? C'est de ne pas bouger les lits des autres. Mais non, quand même, c'est de ne pas regarder la télé quand les autres sont pas là. OK, qu'est-ce qui vous a mangé l'oreille aujourd'hui? C'est d'écouter ses parents. Oh! Ouais. Oh! Blague numéro 2, nous voici! Un père qui venait juste de se remarier partit en voyage d'affaires. À son retour... Alors comment ça s'est passé avec ta nouvelle mère? Bien, à chaque matin, elle m'amenait sur le lac, puis elle me laissait rentrer à la nage. Rentrer à la nage, c'est loin, non? Ouais, mais le plus dur, c'est de sortir du sac dans lequel elle m'enfermait. Wow. C'est malheureusement déjà le temps de vous dire bye-bye. Comme chaque semaine, il faut pas se désespérer. La semaine prochaine, ça sera une nouvelle émission encore. Et vous pouvez nous écouter la émission sur www.leclubdesnonmembres.com. Et vous pouvez nous écouter sur iTunes. Au revoir et à la prochaine émission de Club des Non-Membres. Bye. Bye.